j'ai pas détaillé ça pour pas rester trop longtemps sur le contexte théorique, mais donc il y a plein de philosophies, notamment le plus connu, c'est Jordan Habermas, hein, qui ont essayé de penser le dépassement du cadre national et de légitimer du point de vue philosophique le fait que l'unité politique ne doit pas correspondre au groupe culturel, mais doit notamment le dépasser pour que, sur certaines questions, les prises de décision politique se fassent à un niveau mondial, parce que elles consistent souvent à prendre des décisions qui ont un impact mondial. Et donc, moi, les arguments de Habermas, c'est le fait de dire que la crise financière, la crise écologique sont des phénomènes économiques et sociaux qui ont un impact global sur les individus, et donc le fait de pouvoir décider de ça, un peu destiné à travers la démocratie, le fait de devoir décider du pouvoir, doit se faire au niveau global et pas au niveau national, parce que c'est finalement au niveau global que se prennent les décisions les plus importantes. Face à cette revendication, se pose toujours, qu'ils ont utilisé dans la littérature sur l'Europe, se pose toujours une question, c'est la croyance ou l'idée toujours implicite que ça ne pourrait pas marcher ou ça marcherait pas bien parce qu'il y aurait quelque chose comme une identité ou un sentiment d'appartenance qui serait nécessaire au fonctionnement d'une institution politique, et une institution comme l'Union européenne qui irait plus largement une institution mondiale serait finalement vouée à l'échec parce que les individus ne seraient pas attachés à leur pays, à l'institution. Et on a souvent la traduction un peu médiatique de cet argument qu'on entend souvent, c'est le fait qu'il faut être fier de son pays, on conçoit ça toujours comme important, c'est qu'il faudrait marcher le pays. Il y a eu un développement plus peut-être philosophique et analytique dans un ouvrage de David Miller et aussi un auteur qui s'appelle Yael Tamir, qui ont essayé de développer ce qu'on appelle le libéral nationalisme, un développement plus théorique de cette perspective un peu intuitive peut-être, et qui s'appuie, alors libéral c'est au sens américain du terme, pour défendre l'idée qu'en fait le nationalisme serait une bonne chose, le sentiment d'appartenance à la nation, parce que c'est lui qui garantirait notamment l'acceptation du régime politique et la redistribution. Le fait que les individus acceptent notamment des redistributions ou des inégalités économiques serait garanti par le fait que les individus soient attachés aux membres de leur nation qu'ils conçoivent comme proches d'eux. Alors, ça a même amené dans la littérature sur cela, à ce qui a été appelé le dilemme progressiste, le fait qu'il y aurait un dilemme entre la diversité et la solidarité, donc parce que justement la diversité culturelle, c'est le dilemme du progressiste qui à la fois prendrait la diversité culturelle et la solidarité, c'est le fait que la diversité culturelle, en séparant finalement les individus, en ayant des individus moins, des groupes moins homogènes, ça aurait pour conséquence finalement de les rendre moins solidaires les uns à l'égard des autres. Et dans la littérature, ce qui est souvent utilisé, c'est les travaux d'Alberto Alesina et Edward Glaser, qui sont deux économistes à Harvard, qui ont soutenu que la faiblesse de l'État-providence aux États-Unis était justement due à cette diversité. En comparant les États-Unis à l'Europe, ils ont soutenu que c'était la diversité raciale aux États-Unis qui expliquerait le fait qu'il y ait moins l'État-providence, avec un argument un peu du type, pour faire simple, le fait que les blancs ne veulent pas payer pour les noirs ou les minorités. Bon, et c'est un thème qui s'est imposé chez les économistes qui est devenu assez courant pour parler de l'Europe. Par exemple, alors j'ai pris deux exemples un peu justement opposés politiquement. Bruno Hamab dans Libération, où par exemple, il avait fait une tribune en disant l'Union ou l'intégration européenne, enfin le fédéralisme, serait un saut mortel pour l'Europe, justement avec cette idée que les Allemands ou les Finlandais refuseraient de payer pour les pays du Sud. La tribune qui avait même été reprise, je crois, par Jean-Pierre Chevènement dans une audition à l'Assemblée nationale, donc qui a quand même un certain impact. Et donc Bruno Hamab, qui est économiste et qui est plutôt hétérodoxe, mais quand même à l'École d'économie de Paris. Et on retrouve le même thème chez David Stesma et Augustin Landier, qui sont des économistes aussi, qui écrivent beaucoup, qui sont à l'École d'économie de Toulouse pour Augustin Landier et à HEC pour David Stesma, qui serait économie mainstream, comme on dit. Donc il avait écrit dans Les Échos un peu la même chose, par exemple, d'un dilemme inavouable. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, les données de l'ESINA ne montrent rien de tel pour l'Europe. Au contraire, en fait, il n'y a aucune corrélation entre la diversité culturelle et l'État-providence. Mais bon, le thème d'Alesina s'est imposé comme ça, comme quelque chose d'important, Bon, il y en a eu une critique notamment dans Benting et Kimnica, qui sont. Alors, Kimnica, c'est un philosophe en fait, mais Benting, c'est un politiste plus. Il y a beaucoup d'articles justement où ils ont essayé de montrer que le multiculturalisme. Alors, du coup, il y avait un peu les deux arguments, hein, la diversité culturelle et le multiculturalisme, le fait aussi de reconnaître des droits aux minorités culturelles, n'avait nulle part entraîné une baisse de l'État-providence. Alors, bon, moi, je me suis intéressé beaucoup justement à ces débats dans ma thèse et. Mais j'ai voulu après les relier dans la fin de ma thèse à la question de l'Union européenne, c'est-à-dire dans quelle mesure elle pourrait refléter un tel dilemme, parce que justement c'est un argument souvent discuté et utilisé dans la littérature, de dire ah finalement l'Union européenne aurait besoin d'une identité, parce que si elle n'a pas justement cette identité qui pousse les individus à s'attacher, ceux-ci la rejetteraient et préféraient rester dans le cadre national. Alors, pour justement préciser un peu sur. Ce qui a aussi amené souvent à utiliser ces arguments de l'importance de l'identité, c'est notamment l'étude de l'évolution hein, générale des attitudes à l'égard de l'Europe, qui sont, enfin de l'Union européenne, j'aurais dû écrire sans doute, qui se caractérise un peu, alors à chaque fois on résume en disant entre 45 et 90, il y a une thèse qui était celle du consensus permissif, donc de Lindbergh et Sheingold, qui disait en gros les individus, après la guerre, hein, donc acceptent la construction européenne. Donc on parle de consensus, c'est-à-dire que la plupart des individus sont d'accord dans les différents référendums ou dans les différents pays européens, ou dans les différents sondages qu'on fait, les individus sont en accord. Et alors on parle de permissif parce que c'est l'idée aussi que, comme il y a ce type de consensus, mais sans grand intérêt non plus pour la question, la plupart des citoyens laissent les élites s'en occuper sans finalement s'y intéresser plus que ça. Ce qui avait amené aussi Annick Percheron, dans un article de 91, à parler d'un acquiescement de façade. Du accepte, mais sans motivation. À partir des années 90, donc il y a des auteurs qui s'appellent Foggy et Marx qui ont parlé d'un dissensus contraignant, parce que c'est là où on observe plutôt une montée d'attitude plus négative, donc tout, alors ce qu'ils ont appelé un dissensus en anglais, je traduis directement, et contraignant au sens où justement maintenant le fait qu'il y ait une polarisation plus forte et qu'il y ait des individus qui refusent l'intégration européenne, ça a une action, une influence sur les élites puisque ça implique de pouvoir perdre des référendums, ça implique de pouvoir perdre des élections et donc cette polarisation devient plus contraignante et eux l'expliquent par ce qu'ils appellent l'identité nationale exclusive. J'y reviendrai parce que c'est très lié en fait à une question de l'Eurobaromètre hein, qui demande aux individus, donc l'Eurobaromètre, l'enquête de l'Union européenne faite tous les ans dans tous les pays. Qui demande notamment aux individus de dire s'ils se sentent ou non européens. Et bon, généralement, ou s'ils se sentent de leur pays. Généralement, il n'y a pas vraiment de corrélation entre le fait d'être contre l'intégration européenne et le fait de se dire très, très fier de son pays, par exemple. Mais par contre, il y en a une quand on demande aux individus, bon, mais de manière un peu circulaire quand même, quand on demande aux individus, alors une question qui s'appelle la question Moreno, qui a souvent été posée, qui consiste à dire, voilà, est-ce que vous vous sentez. Et donc, si vous êtes français, on vous dit français seulement, français européen, européen français ou européen seulement. Et l'idée d'identité nationale exclusive, c'est que bon, bah, ceux qui répondraient français seulement ont une conception particulière de l'identité qui exclurait le reste. Et c'est ça qui pourrait expliquer la montée d'une opposition à partir des années 90, c'est-à-dire à partir des années aussi où l'intégration européenne devient plus importante et a un poids politique justement. Plus important, c'est-à-dire qu'elle peut influencer plus fortement les décisions politiques. Une autre thèse qui m'intéressait et à laquelle justement j'ai essayé de, enfin, à laquelle je vais essayer que je vais essayer de discuter après, c'est l'euroclash de Fliegstein, qui donc a soutenu que, alors en s'appuyant sur un résultat classique des études sur le soutien à l'intégration européenne, qui est donc il y a eu plein d'études sur quels sont les déterminants et le résultat en gros le plus massif et robuste, c'est le niveau de diplôme où dans tous les pays sur tous les ans, en gros, les plus diplômés sont plus en faveur de l'intégration européenne. Et alors, il y a plusieurs explications à ça, je ne vais pas trop détailler, mais notamment Fliegstein s'appuie sur le fait que les plus diplômés auraient plus intérêt à l'intégration européenne parce qu'ils en profiteraient plus, parce que justement ils ont des qualifications qui leur permettent de s'insérer sur le marché du travail européen, et aussi parce que de manière générale ils ont les moyens de voyager. Et ça aboutirait à ce qu'il appelle un clash, hein, puisque les personnes les moins diplômées ou moins éduquées seront au contraire moins en faveur de l'intégration européenne. Et lui prévoit quelque chose comme une polarisation des opinions. Alors il y a un travail plus récent qui s'était opposé à ça par Sophie Duchesne et trois autres auteurs, qui s'appuyait plutôt sur des focus group, hein, donc des groupes de discussion. Et en gros, qui disait finalement, qui revient un peu à la thèse, à l'acquiescement de façade, c'est-à-dire, enfin, inversé, au sens où c'est plus le refus, mais quand les gens critiquent l'intégration européenne, il n'y a pas vraiment, finalement, chez la plupart des gens, de connaissance de l'intégration européenne, et donc il n'y a pas non plus une critique ou un clash sur cette question, c'est juste que l'intégration européenne est conçue avec d'autres choses comme la mondialisation, comme une dimension de la mondialisation, et qu'elle est dans cette mesure critiquée, mais sans qu'il y ait vraiment un intérêt fort pour la question, comme le supposerait la thèse du clash, en fait. Alors, moi j'ai essayé de reprendre cette idée. Alors, je parlais souvent dans ma thèse d'étude des représentations ordinaires de la légitimité politique, parce que si on dit qu'il y a un problème dans l'intégration européenne, dans le dépassement du cadre national, c'est finalement qu'on suppose chez les individus quelque chose comme presque une philosophie politique ordinaire ou des représentations ordinaires sur qu'est-ce qui serait légitime comme gouvernement. Ce qui amène justement à se poser la question pourquoi les individus acceptent ou refusent un cadre politique particulier. Donc, c'est ça qui m'intéressait plus particulièrement dans cette question. Et justement, donc de reprendre en combinant des données plus récentes la question de l'euroclash, c'est-à-dire est-ce que les attitudes à l'égard d'intégration révèlent la formation d'un euroclash, puisque finalement le texte de Flickstein était plus théorique que vraiment empirique, au sens où il démontrait pas tant que ça, enfin pas suffisamment en tout cas d'un point de vue l'opposition entre les plus diplômés et les moins diplômés, et dans cette mesure, quel rôle joue l'identité et joue-t-elle un rôle plus important que justement des représentations sur les conséquences socio-économiques de l'intégration européenne? Alors, donc j'ai utilisé les enquêtes Eurobaromètre qui sont été faites donc entre 1973 et 2013. Donc, bon, j'y reviendrai si vous voulez dans la discussion. Bon, c'est des enquêtes qui ont été beaucoup critiquées. Notamment dans leur forme, parce que leurs questions ne sont pas toujours très bonnes et qu'en plus il y a un changement fréquent de formulation des questions. Donc, c'est une enquête qui est faite à peu près sur 1000 personnes dans tous les pays de l'Union européenne, qui est une sorte de négociation entre eux, parce que ce n'est pas la direction de la recherche et la direction de la communication, et donc, mais il y a quand même des chercheurs qui participent à l'enquête, donc une sorte de compromis entre les chercheurs et les politiques qui veulent absolument imposer des questions sur leurs dernières mesures. Et voilà, donc ce qui fait qu'il y a quand même des questions qui sont normalement posées chaque année, mais elles-mêmes changent quand même parfois, qui appellent les questions trend. Et voilà, donc bon, elles ont été critiquées, bon, notamment en France, parce qu'en général, depuis l'opinion publique n'existe pas, on n'a pas trop ces données. Mais il m'a semblé que c'était intéressant et important de l'utiliser parce que c'est sur ce genre de questions, finalement, la seule base de données qui permet d'avoir autant d'observations, qui a été vraiment faite tous les ans. C'est-à-dire toutes les autres enquêtes internationales, elles sont faites une fois tous les 4, 5 ans, ou alors quand c'est chaque année sur des thèmes différents. Il n'y a pas tous les pays de l'Union européenne. Donc là, on a quand même une masse de données qui est quand même strictement incomparable avec toutes les autres enquêtes sur les valeurs. Donc, par ailleurs, le changement de formulation des questions, ça a aussi un intérêt, puisque ça permet aussi de tester, de voir ce qui vient de la formulation. De la question ou enfin, comment finalement un terme de la question peut faire évoluer les réponses. Voilà, et donc ça permet quand même, hein, par exemple, moi j'ai rassemblé toutes les bases de données donc entre 1973 et 2013, donc ça fait, alors, il y avait déjà un premier rassemblement qui a été fait jusqu'à 2002, après j'ai essayé de compléter, et ça permet quand même de tenir hein, plus de 1,5 million d'observations, et là sur ce que je voulais vous présenter sur les 4 pays, ça fait quand même plus de 500 000 observations. Alors, et je vais étudier donc plus précisément, pour répondre aux questions précédentes, hein, trois ensembles de questions alors que j'ai distinguées, donc plutôt celles qui portent sur le soutien à l'intégration européenne, celles qui portent sur les craintes ou les représentations de ce qu'est l'Union européenne, ce sera plus clair en montrant les questions, et celles qui sont relatives à l'identité et à la citoyenneté européenne. Alors, donc celles sur le soutien à l'intégration européenne, bon, ouais, typiquement, vous voyez le problème de l'eurobaromètre, hein, c'est ces changements, et parfois des formulations un peu étonnantes. Enfin, souvent même d'ailleurs. Donc d'une façon générale, êtes-vous pour ou contre les efforts qui sont faits pour unifier l'Europe occidentale, donc qui a été posé entre 78 et 95. Et cette question a disparu, hein, ça n'a pas apparu très loin. Et donc en 2003 et 2005 apparaît une autre question, êtes-vous pour ou contre l'évolution vers l'Union politique européenne, donc qui a l'avantage de se référer quand même plus directement à l'Union politique européenne plutôt qu'aux efforts qui sont faits. En fait, les questions sont très souvent indirectes, ça qui est assez bizarre, je trouve, mais bon. Dans la question 3, jugement sur l'appartenance à l'Union européenne. Hein, d'une façon générale, pensez-vous que le fait pour la France de faire partie de l'Union européenne est une bonne chose, une mauvaise chose, une chose ni bonne ni mauvaise? Donc c'est celle qui est la plus utilisée parce que en fait, elle a été posée entre 1973 et 2011. Et alors elle n'est plus depuis. C'est vrai qu'elle n'est pas très. Elle a une formulation un peu bizarre qui est souvent aussi un peu critiquée. Donc finalement, les critiques ont une raison de la question. Enfin, peut-être qu'elle va réapparaître. Hein, mais après, il y a plein de questions du type est-ce que l'Europe va assez vite pour vous, ou bon, l'individu par exemple, de noter à quelle vitesse va, à votre avis, la construction européenne sur de 1 à 10 et à quelle vitesse vous aimeriez bien qu'elle aille. Bon, beaucoup de questions un peu comme ça. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'il y a des problèmes de formulation des questions, mais après, ça ne veut pas dire que, même, enfin, d'abord, je ne sais pas trop ce que c'est une question parfaite, et par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de corrélation entre ce qui serait la réponse à une question parfaite et les réponses données à ces questions. On peut supposer quand même que les gens qui sont plutôt pour, qui vont répondre que c'est une bonne chose, même si ça ne va pas très bien de quoi, à quoi on se réfère quand on dit est-ce que c'est une bonne chose. Enfin, en tout cas, c'est la supposition que je fais. Et en même temps, justement, la comparaison des questions permet aussi de faire apparaître des choses, je trouve. Alors, donc là, justement, alors j'ai mixé les deux questions, hein, la première entre 2003 et 2005, mais alors j'ai relié par des guillemets, enfin pas des guillemets, des tirets. Donc, et puis, bon, c'est aussi, je ne cherche pas généralement des résultats extrêmement précis, mais plutôt à dégager des tendances. Donc, ce qu'on voit là, assez bien en gros, hein, qui correspond à ce que je trouve au consensus permissif. Donc là, c'est la proportion de réponses très pour ou plutôt pour à la première question. Je vous rappelle, il y avait une question en 4. Hein, il y avait vous pour ou contre les efforts qui sont faits pour unifier l'occidental. Donc très pour, j'ai additionné très pour et plutôt pour. Et après, la question 2, hein, vous pour ou contre l'évolution vers l'union politique européenne, pour ou contre. Donc, il y a un soutien massif dans les 4 pays avec des différences qui vont ressortir un peu toujours, hein, donc c'est-à-dire en gros l'Italie qui est toujours plus en faveur, hein, alors je ne sais pas si on distingue très bien, des triangles, donc l'Italie tout en haut, le Royaume-Uni tout en bas, enfin tout en bas entre guillemets, la moins haute, et au milieu la France et l'Allemagne. Avec, alors un aspect important sur le Royaume-Uni, parce que justement on dit qu'il est souvent très critique de l'intégration européenne, mais là on a quand même en gros un soutien qui varie chaque année entre 70 et 80% de personnes qui se disent pour. Bon, alors après, dans les autres pays, c'est vrai que c'est très élevé. Hein, vous voyez, en Italie, hein, c'est toujours entre 90 et 100. Voilà. Et par ailleurs, alors par contre, donc, semble la rupture entre les deux questions, alors est-ce que c'est le changement d'époque ou le changement de formulation, mais montre une diminution assez nette, et surtout en Angleterre. Hein, et le fait d'ailleurs soit particulièrement marqué pour l'Angleterre, comme on va le voir sur d'autres questions aussi, semble nous montrer, enfin montre je pense plutôt qu'il y a aussi, il n'y a pas qu'un effet formulation de la question, il y a aussi une diminution déjà hein, du soutien ou des attitudes plus positives. Alors, ici, donc, j'ai fait après une décomposition par niveau de diplôme, où j'avais, il y a une question qui est posée sur le nombre d'années d'études, enfin l'âge à laquelle l'individu arrête leurs études, et donc j'ai essayé de faire 3 groupes à peu près dans les différents pays, les plus diplômés, diplôme moyen et diplôme inférieur, donc diplôme enfin, les plus diplômés, donc c'est celle la plus noire, hein, et la plus claire, c'est les moins diplômés. Bon, on retrouve un peu la même chose qu'on va retrouver tout le temps, hein, donc c'est cet effet, donc cette différence entre dans chaque pays, hein, les plus diplômés, qui sont toujours ceux qui répondent le plus à être en faveur de l'intégration européenne, et les moins diplômés qui répondent le moins, et on a ce diplôme moyen au milieu. Avec par contre des tendances qui sont quand même assez proches, c'est ça qui est, je pense, aussi important par rapport justement à la thèse de Laurent Clash, hein, d'une opposition entre les personnes les moins diplômées ou les plus diplômées. Bon, il y a des différences au départ, mais qui sont finalement pas extrêmement importantes. Alors, on va voir qu'elles vont devenir un peu plus. Avec le cas du Royaume-Uni qui est intéressant parce que justement il va dessiner ce qui va être la tendance par la suite pour les autres, c'est-à-dire le fait que les plus diplômés à la fin, alors en 2005, hein, ça s'arrête. Donc il y a la même tendance, mais comme le niveau de soutien est différent au départ, ça a quand même une conséquence qui est importante, c'est qu'à la fin, on a quand même 50% des gens qui se disent en faveur de l'intégration européenne, alors qu'il n'y en a plus que 30%. Donc l'écart fait aussi que la majorité est conservée chez les plus diplômés, alors qu'au contraire, il n'y a plus de majorité chez les moins diplômés pour dire être en faveur de l'intégration européenne. Et c'est peut-être, enfin, c'est plutôt comme ça, moi, que je formulerai par la suite. L'idée qu'il y a quelque chose comme un clash qui se développe, hein, on va voir encore plus clairement avec les autres questions, c'est un clash ou en tout cas un clivage social très important. Alors l'autre question, c'était donc celle pour un pays faire partie de l'Union Européenne est une bonne chose, donc celle qui a été beaucoup utilisée parce qu'elle a été posée tous les ans du début de l'Eurobaromètre jusqu'à 2011. Globalement dans la structure, alors on va voir, mais il y a 3 réponses cette fois, donc ça change pas mal le traitement, donc je vais après distinguer, puisqu'il y a aussi une réponse neutre cette fois. Mais là, on a, en gros, à l'exception du Royaume-Uni, là encore, hein, des opinions positives, Non, puisque alors là c'est un peu différent d'ailleurs, tout à l'heure c'était soutien à l'intégration européenne, mais là c'est référence directement au pays. Donc c'est le fait de faire partie de l'Union européenne qui soit une bonne chose pour mon pays. Mais peut-être quelque chose que j'avais pas noté mais qu'on retrouve en fait, je reviens juste une seconde, mais dans mon sens. On voyait en fait dans tous les pays à partir de 91 un début de diminution, particulièrement fort, un peu moins fort en Italie, mais qui est présent. Dans tous les pays, bon, bah, on retrouve hein, le même phénomène, c'est-à-dire un accord très très majoritaire à l'exception du Royaume-Uni, et à partir de 91, une diminution qui va être étonnamment moins marquée au début en Italie, mais qui va continuer jusqu'à finalement atteindre le niveau de la France hein, et passer sous les, alors, peut-être pas très, sous les 50% de jugements positifs. La France aussi diminue et se retrouve hein, vers les 50%. Alors les Royaumes-Unis, donc finalement, elle n'a été que, n'a jugé positivement hein, que sur une petite période, hein, autour des années 90 aussi, qui est un peu la période où c'est un peu le pic de soutien dans la plupart des pays de l'Union européenne. Alors justement, donc, je vais décomposer un peu après. Donc là, en décomposant par niveau de diplôme, toujours sur la réponse bonne chose. Pour faire un peu apparaître un panorama et après pour voir plus précisément par pays. Mais donc on retrouve la même chose que précédemment, donc un clivage social assez marqué, cette fois plus qu'encore que tout à l'heure, hein, sur le jugement finalement des conséquences de l'intégration européenne sur le pays. Là, le clivage social est plus marqué, hein, puisqu'on a quasiment souvent 20 et 30 points d'écart entre les plus diplômés et les moins diplômés. Et du coup, si on prend le Royaume-Uni par exemple, hein, on arrive à peine 20% des gens qui disent que c'est une bonne chose à la fin de la période. Et on voit en Italie le déclin qui est très fort hein, aussi, notamment chez les moins diplômés. Alors, je ne suis pas trop clair, mais on voit aussi au fond la dernière courbe, celle des moins diplômés. Puisque en Italie aussi, on se retrouve avec à la fin, en 2011, hein, environ 30% des gens qui disent que c'est une bonne chose, alors qu'il était 80% hein, dans les années 70. Alors, si on détaille un peu par pays, un peu derrière, donc la courbe noire, c'est bonne chose. La courbe. La plus claire en fait, c'est ni l'une ni l'autre. Et mauvaise chose, c'est des petits triangles un peu plus foncés qui sont tout en bas. Donc ça, c'est une structure qu'on va à peu près toujours retrouver, c'est-à-dire bonne chose qui est majoritaire, au milieu plutôt ni bonne ni mauvaise, et tout en bas plutôt mauvaise chose. Donc ça montre aussi quand même qu'il y avait aussi au départ hein, une acceptation assez forte, puisque finalement, quand même très peu de gens qui répondaient que c'est une mauvaise chose. On avait sur cette question-là moins de réponses positives que la précédente, mais c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de réponses ni l'une ni l'autre. Et apparaît bien ce qui se dessinait avant, c'est-à-dire quand on regarde les moins diplômés, donc on a en Allemagne une diminution, une montée des réponses mauvaises choses, qu'on ne retrouve pas du tout chez les plus diplômés, qui du coup restent largement majoritairement, jugent majoritairement positivement l'importance de leur pays à l'Union européenne, hein, on a quand même au moins 60-70% d'Allemagne. Et par contre, chez les moins diplômés, on a quelque chose qui est déjà plus égalitaire entre les trois réponses. Si on prend la France, c'est un peu la même chose en plus fort, peut-être. C'est-à-dire qu'on a, encore une fois, si on regarde tout en bas à droite les plus diplômés, bon, la courbe bonne chose reste tout en haut à chaque fois. Alors que si on regarde les moins diplômés, elle a rejoint les courbes ni l'une ni l'autre, ni une bonne chose ni une mauvaise chose. Et la courbe, c'est une mauvaise chose qui a beaucoup monté dans les dernières années, notamment. Pour atteindre hein, quasiment 30% des gens quand même, des moins diplômés, dans les années 2000. C'est-à-dire les cas qui illustrent un peu ce pattern, hein, vous voyez déjà aussi, hein, c'est le cas de l'Italie. Donc on retrouve un peu le même phénomène dans tout en Italie, avec encore une fois les jugements positifs qui perdent leur majorité chez les moins diplômés, alors qu'ils restent encore quand même. Mais majoritaire chez les plus diplômés, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a pas, il y a une tendance qui est un peu la même, une diminution, sauf qu'elle est beaucoup moins forte chez les plus diplômés, donc il n'y a pas une polarisation. Je me pose une question, je remarque, parce que toute ton analyse porte en fait sur des données qui partent de 73 jusqu'à 2013. Hein. C'est 2011 celle-là. Ouais, 2011, ouais. Il y a d'autres après 2013. En fait, à chaque fois, les données correspondent à des réponses qui portent sur des attitudes face à, en gros, ce que tu évoques à travers les questions en termes d'intégration ouais. européenne. Mais la question que je me pose, c'est les gens de 72, en fait, on leur demande leur avis sur la réalité de l'état des pays européens correspondants. En 90, la structure de l'Union européenne est complètement différente. En 2013, elle est complètement différente. Donc comment tu arrives à dire que ces données sont comparables alors que le référent s'est transformé radicalement entre 70 et 2013? Est-ce que c'est un problème ou est-ce que ça... Je sais pas dans quelle mesure c'est un problème, ça c'est éventuellement une explication pour un changement, le fait que... Non mais là tu rapportes, en gros si tu veux, parce que tout le monde est sur la même ligne, tout le monde est sur la même ligne, c'est-à-dire tu crées une tendance alors que le référent, la structure du référent est différente. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, disons que la question est la même. Après, on peut dire qu'effectivement, parce que les conditions ont changé, peut-être son sens a un peu changé. Ouais. Mais ça fait partie éventuellement de l'interprétation, de voir pourquoi est-ce que ça aurait pu modifier une tendance. Et je ne vois pas en quoi ça rend les choses pas comparables. C'est-à-dire, donc là, la question, hein, c'est est-ce que le fait que votre pays appartienne à l'Union européenne est une bonne chose, une Parce que quelque part, tes données donnent l'impression que le référent est invariable. Mais le référent, c'est le même. Enfin, qu'est-ce que le référent? C'est l'appartenance à l'Union européenne. Bah, c'est l'idée de l'Union européenne, mais elle n'est pas du tout la même aux années 70 et 40 ans plus tard. Oui, mais ça, on peut l'interpréter en disant d'accord, bon, bah, dans ce cas-là, les taux de réponse sont les mêmes, mais face à une réalité différente. Ouais. Et ça, c'est toujours une interprétation des résultats, mais ça ne rend pas les choses. Il y a certains courbes dans d'autres courbes que tu as montrées qui montrent des pics à certains moments. Ouais. Et là où il y a un pic, on peut après dans l'interprétation se dire c'est peut-être parce qu'il y a eu un événement législatif particulier qui peut expliquer. Bien sûr, mais si tu veux, c'est effectivement ça, parce que quand on voit le décrochage du début des années 90, on dit quoi, c'est le traité de Maastricht, il y a une sorte de... Mais du coup, effectivement, ces créations de courbes donnent l'illusion que... C'est pour ça que c'est pas une remarque, c'est juste une réflexion sur le problème de la comparabilité des données que tu en as en début et à la fin. C'est-à-dire qu'on a l'illusion que c'est quelque chose d'homogène, alors qu'en fait, les attitudes portent sur des objets qui sont transformés complètement. Mais ça fait partie de... Ça fait partie du jeu, quelque part, mais c'est vrai que ça... C'est-à-dire comment ça pourrait être autrement, en fait, parce que dans ce cas-là, n'importe quel... Par le fait de comparer les données... Ce que tu peux dire quand même, c'était relativement homogène, c'est l'idée de l'Europe. Après, sa composition évolue. Alors, Marc, tu me diras que... C'est quand même... Il faut pouvoir traiter quelque part, ça, cette idée que l'objet évolue complètement. Mais comme il dit, ça fait partie de l'explication. Ce qui est intéressant quand même, c'est que malgré ça, finalement, les taux varient très peu des choses. C'est-à-dire qu'on voit globalement peut-être des tendances sur les années récentes, mais... En fait, je vois pas en quoi ça rend pas comparable. Moi, ça fait partie de l'explication entièrement d'un résultat. De dire, en fait, les conditions ont changé, donc ça explique que les gens aient répondu différemment, ou éventuellement, ça explique qu'ils aient répondu pareil, mais pour des raisons différentes. Ouais. Oui, peut-être. Le fait qu'ils répondent pareil, ça peut être aussi finalement à expliquer, au sens où ils auraient dû répondre. Quand on fait l'enquête français, je veux dire, c'est toujours la même question. Enfin, je veux dire, une question comme ça, là, qui revient régulièrement, toujours la même question. Ce qui change, c'est la situation de la France, et du coup, on peut comparer parce qu'on voit quelle situation historique ou sociale correspond à l'âge. Mais imagine, on demande des attitudes sur le gouvernement français. Et tu prends cette question en 70 et tu la reposes pendant 40 ans. Est-ce qu'il est logique d'agréger toutes ces opinions sur le gouvernement français en créant une ligne, alors que la nature de ce gouvernement s'est transformée radicalement par période civique? Est-ce qu'on peut ça va permettre de comparer et de savoir si les gens étaient plus favorables au gouvernement de 70. Il y a des régularités selon que le gouvernement est de gauche ou de droite. On dira, on est obligé de faire ça, oui. Pas bon. Bon, mais alors, juste donc, le dernier cas, celui du Royaume-Uni, qui est peut-être le plus différent à chaque fois. Puisque c'est le seul cas où finalement le clivage social est présent et fort dès le début. Et où il y a plutôt une exception au début des années 80, enfin, début des années 90. Donc ça rediminue. Hein, puisque chez les moins diplômés, les jugements négatifs sont cette fois les plus courants. Ils restent maintenant les plus courants. Et là encore, ça diminue chez les plus diplômés, mais pour l'instant, ça reste disons, la majorité, ou en tout cas la majorité relative. Ce sont les jugements positifs, alors que les jugements négatifs sont quasiment à la majorité absolue, enfin même à la majorité absolue, hein, parce qu'ils sont autour de 50 en gros chez les moins diplômés. Donc c'est le pays finalement où il y a le plus de clivage social. Alors, donc ça c'était justement l'ensemble pour tracer un peu une sorte de panorama de ce qu'ont été les opinions à l'égard de l'intégration européenne, qui, je pense, montre le fait qu'il y ait à la fois un fort accord, ce qui correspond assez bien à l'idée du consensus permissif pendant assez longtemps, mais une diminution des attitudes plus positives à l'égard de l'intégration européenne, avec un clivage social qui devient plus important au sens où... les individus les moins diplômés de la population sont majoritairement, enfin jugent plutôt majoritairement négativement, ou en tout cas ne jugent plus positivement. Il y a plutôt une sorte d'égalité. Hein, on prend le cas pour prendre juste le cas par exemple de la France, il y a plutôt une égalité, alors que chez les plus diplômés, on a une majorité forte. Donc c'est plutôt comme ça qu'on pourrait définir hein, un clash ou un clivage social très important. Alors, ensuite, j'ai voulu justement pour essayer de comprendre pourquoi il y avait ces opinions négatives et si justement on pouvait ou pas les expliquer par les questions liées à l'identité ou, à la, ou justement au jugement sur les conséquences socio-économiques de l'intégration européenne, étudier une question qui a été posée entre 2003 et 2013, qui est que représente pour vous l'Union européenne personnellement. Alors, vous pouvez choisir jusqu'à trois réponses. Il y avait beaucoup de choses, la paix, la prospérité économique, la démocratie, la protection sociale, la diversité culturelle. Alors, je n'ai pas tout mis à plat sur les cours parce que c'est un peu lisible. J'ai pris celles les plus courantes pour donner une impression. Alors, si on prend l'ensemble de la population, en gros, alors, une chose qui est intéressante, c'est que les réponses diffèrent assez peu selon les pays. C'est-à-dire, en gros, les individus répondent en général la liberté de voyager partout dans l'Union européenne comme réponse majoritaire, l'euro. Éventuellement la paix, la courbe noire, donc l'euro, la courbe verte et violette, la courbe liberté de voyager. Par contre, si on prend justement un peu les questions économiques et culturelles, c'est un peu les deux courbes tout en bas à chaque fois, donc la prospérité économique, la courbe rouge, et la courbe bleue, la perte de notre identité culturelle. Donc justement, par rapport à cette question qui est un peu omniprésente dans la littérature sur l'Europe, de la question d'identité européenne, est-ce que ça poserait un problème qu'il y ait une diversité trop forte dans l'Union européenne, ce qui est intéressant finalement quand on demande aux gens, hein, la question de la perte d'identité culturelle, ici en tout cas, semble assez secondaire, mais en tout cas, elle est très peu courante. Elle est un peu plus courante en Angleterre, et on va voir qu'effectivement, cette question, alors je ne vais pas vous faire tous les milieux sociaux par pays, par question à chaque fois, mais alors là, je vous ai juste mis les moins diplômés, où on a des structures de réponses qui sont à peu près similaires, hein, l'euro ou la liberté de voyager. Par contre, on a le Royaume-Uni qui est le seul cas où la perte de notre identité culturelle est la réponse la plus fréquente. Dans les différentes années, hein, de 2003 à 2013. Alors, il y avait une autre question qui permettait un peu de voir un peu ce que l'individu pouvait craindre à l'égard de l'Union européenne. Donc, il posait hein, certaines questions. Personnes peuvent avoir des craintes concernant l'Europe qui se construit, l'Union européenne. Voici une liste de choses que certains disent craindre pour chacune d'elles. Pouvez-vous me dire si personnellement vous la craignez actuellement ou pas ? Après, c'est un peu différent parce qu'il ne fallait pas choisir parmi les modalités des réponses, mais il fallait évaluer chacune. Et donc là, donc c'est pareil, j'ai gardé notamment celle sur les l'autre langue soit de moins en moins utilisée ou la perte de l'identité culture nationale, mais aussi d'autres questions. Hein. Alors, donc d'abord, sur l'ensemble de la population, là encore, on a des structures de réponse qui sont finalement assez proches dans les différents pays. Donc, domine toujours en général la courbe verte. Donc, le transfert d'emploi vers d'autres pays membres où l'on produit pour moins cher. C'est un peu finalement la peur la plus classique. Hein. Donc cette fois, on a des réponses un peu plus courantes, plus fréquentes, parce que là, les individus doivent se présenter, se prononcer sur chacune des modalités de réponse. Donc notamment sur la perte de notre identité, de notre culture nationale, c'est la courbe rouge, et la perte de notre langue, c'est la bleue. Donc vous voyez qu'elles sont toujours un peu tout en bas. Alors, par contre, on arrive quand même à entre 40 et 50% de personnes qui disent craindre. Mais beaucoup moins que donc, le transfert d'emploi, ou même la courbe orange, hein, c'est l'augmentation du trafic de drogue et du crime organisé international. La courbe violette, plus de difficultés pour les agriculteurs. La courbe bleu clair, la perte des avantages sociaux. Donc là, justement, parce que je voulais comparer les représentations un peu des conséquences de l'action économique et sociale de l'Union européenne, à la question d'identité. La question d'identité apparaît quand même plus secondaire, encore une fois, à l'exception du Royaume-Uni. Hein, la courbe rouge est plus élevée que les autres, et pas, alors pas la courbe bleue, parce que la perte de la langue, bon, ça, effectivement, je pense qu'on n'inquiète pas trop, étant donné la diffusion de l'anglais, mais par contre, la courbe rouge, elle est déjà plus fréquente, et si on regarde les moins diplômés, on retrouve un peu, alors les choses sont un peu décalées vers le haut, on trouve le même résultat, mais cette fois décalées vers le haut, et du coup, on arrive quand même à des majorités de gens qui disent craindre la perte de leur identité ou de leur culture nationale, mais toujours beaucoup moins que la question des transferts d'emploi. Quand on voit la France, par exemple, sur la courbe verte, je ne sais pas si c'est tiré graphique par le sens, mais enfin, en gros, on est quasiment à 100% des gens, des moins diplômés qui répondent ça. Bon, on a ça aussi hein, au Royaume-Uni ou en Italie, un peu moins quand même, et en Allemagne. Et donc on a, sur ces différentes questions, donc qui portent plus sur les représentations de l'intégration européenne, semble qu'on peut déjà voir, rien que par une analyse assez descriptive, que les thèmes qui préoccupent le plus sont quand même plutôt les questions économiques et sociales, avec la question de l'identité plus secondaire, même si elle est quand même assez présente là chez les moins diplômés. Alors, une autre chose que j'ai voulu justement dans la suite de ça, peut-être pour revenir sur les débats aussi théoriques sur la question de l'intégration, c'est justement dans les critiques des philosophies post-nationalistes, il y a toujours aussi l'idée que l'intégration européenne, quelque chose, alors Habermas parle par exemple d'un patriotisme constitutionnel, que finalement les questions économiques et sociales ne peuvent suffire à fonder une identité parce qu'il y aurait besoin justement de choses qui auraient plus de profondeur historique, qui auraient une histoire commune, le sentiment d'une destinée commune, ou ce genre de choses. Donc j'ai voulu étudier, prendre les questions qui portent plus directement sur l'identité et la citoyenneté européenne, où on demande aux individus finalement, alors il y en a deux, on va voir. Donc là, c'est celle sur l'identité. Quels sont les deux éléments les plus importants qui constituent l'identité européenne? Bon, il y a une liste de choses. Donc pareil, j'ai mis un peu les plus fréquentes. Ce qu'on voit dans les quatre pays, en gros, ce qui ressort le plus dans la réponse, c'est l'euro, très souvent. Quelque chose, je disais, vraiment un peu froid, justement, la monnaie. L'héritage religieux commun ou la géographie ressort un peu plus, mais globalement, c'est la monnaie commune et les valeurs démocratiques, qui est la troisième barre, qui ressortent le plus et qui sont les plus courantes. Il y a assez peu de réponses, il n'y a pas d'identité européenne, mais bon, là, la question est un peu biaisée, en un sens, puisqu'on ne propose pas cette modalité de réponse, il faut que les gens la donnent spontanément. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'elle est déjà un peu plus fréquente au Royaume-Uni. Et autre question, donc un peu dans le même sens, mais en tout cas là juste qui montre que finalement, quand on demande aux individus, il y a des réponses qu'on pourrait qualifier presque d'assez pragmatiques, c'est-à-dire que ce n'est pas justement une histoire ou une culture commune, qui n'est pas une réponse extrêmement fréquente, mais quelque chose comme l'euro est conçu comme étant un constituant de l'identité. Après, on peut juger quand même, les valeurs démocratiques, c'est aussi, Oui, oui. C'est rien, juste, tu dis que c'est des individus qui doivent déclarer qu'il n'y a pas d'identité européenne. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toutes les autres, c'est des modalités de réponse qu'on leur propose. Et ça, c'est pas une modalité. Et ça, c'est pas une modalité. Donc, il y a écrit en tout cas sur le questionnaire ne pas suggérer. Donc, ça veut dire que c'est des réponses spontanées. C'est pour ça que, bon, c'est un peu normal qu'il y en ait moins, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Royaume-Uni, par contre, ça ressort plus. Et on va voir, c'est encore justement plus pour cette question-là. Parmi les éléments suivants, alors pareil, il y a une liste d'éléments. Quels sont ceux qui renforceraient le plus votre sentiment d'être un citoyen européen? Et là, la réponse qui ressort le plus, quand on le sait, le système social harmonisé. Alors en plus, bon là j'ai mis un esprit de continuité, seulement c'est 4 pays, mais en fait ça ressort dans tous les pays, c'est la réponse majoritaire, tous les pays de l'Union européenne. C'est un peu bizarre comme question quand même, parce qu'encore faut-il avoir envie d'être un citoyen européen? Bon, les gens pouvaient répondre ne se sent pas citoyen européen, mais c'est vrai que, mais encore une fois, c'était pas suggéré, alors c'est pas très. Non, je suis d'accord, c'est pas des questions formidables. Après, c'est intéressant, je trouve, de voir qu'est-ce que finalement répondent les gens. Alors, je trouve pas que les modalités soient formidables non plus qu'on leur propose, mais en même temps, puisque on en fait toujours un plat sur les petits signes, les symboles, sur finalement là. En tout cas, il n'y a pas la majorité absolue, mais il y a quand même la plupart des gens choisis, enfin pas la plupart, mais la réponse la plus choisie, c'est le système social harmonisé, et c'est le fait de toucher sa retraite dans toute l'Europe qui peut correspondre un peu à un droit social. Et il y a souvent cette idée dans la littérature que toutes ces questions socio-économiques, finalement, ne sont trop froides pour fonder quelque chose comme une identité ou une citoyenneté. Et donc, on retrouve alors là, au Royaume-Uni, la réponse ne se sent pas citoyen européen qui est majoritaire. Même si on ne leur suggère pas, ils ont quand même au Royaume-Uni tendance à répondre. Alors déjà plus quand on prend l'ensemble de la population, mais si on prend les moins diplômés, ça devient la réponse majoritaire. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs du tout chez les plus diplômés. Donc là encore, on voit un peu le clivage social important qui est derrière en fait la question européenne au Royaume-Uni. Alors, il me semble que c'est. Ces différentes données un peu descriptives montrent bien que la démocratie européenne, ou l'idée en fait, en tout cas de dépasser le cadre national, n'apparaît pas comme quelque chose qui soit finalement, enfin, auquel les individus s'opposeraient, puisqu'il y a une acceptation assez large au début, et que c'est plutôt à la fin, qui serait plutôt peut-être à interpréter par les politiques récentes, en tout cas par le débat politique récent, mais il n'y a pas en tout cas une opposition de principe à l'idée d'un dépassement de la nation, notamment parce que aussi, les individus sur les questions économiques et sociales accepte de répondre que oui, il faudrait un système social européen. Et le fait que, dans la prédominance des inquiétudes socio-économiques et le fait que l'identité et la citoyenneté européenne ne sont pas nécessairement, en tout cas, associées à la question d'une unité culturelle, quelque chose comme ça. Alors, Cyril, juste une question. Qu'est-ce que ça serait la démocratie européenne, en fait ? Première question. Qu'est-ce que ça serait ? Ah, ça allait déjà dans un sens. C'est le fait que les prises de décision soient faites à un niveau européen. Et donc, elles engagent les pays au niveau national à les respecter. Et quel est l'indicateur que tu as étudié précédemment pour parler de la... Elle existe déjà, la démocratie européenne. Le fait qu'aujourd'hui, il existe un Parlement européen, donc le fait qu'ils acceptent les efforts qui sont faits, c'est une forme d'acceptation d'une démocratie européenne. Même si on peut dire qu'elle n'est pas vraiment démocratique parce que... pour plein de raisons, mais... c'est... Mais les questions précédentes ne portaient pas sur la démocratie européenne, elles portaient sur autre chose. Elle portait sur le soutien qui est fait à l'intégration européenne, donc sur le fait d'accepter le processus qui est fait actuellement, qui quand même est la construction d'une démocratie qui va au-delà du cadre national. Le fait d'accepter l'intégration européenne telle qu'elle se fait, ou même de juger que c'est une bonne chose, c'est déjà accepter une démocratie supranationale, parce que la France ou le pays sont engagés par des décisions qui sont prises au niveau... Est-ce que du coup, il y a un petit saut là, mais bon. Il y a des questions d'ailleurs plus spécifiques dans l'Eurobaromètre sur les attitudes à l'égard du Parlement européen. Il y en a, ouais. Mais j'aime moins ces questions parce que le problème de ces questions, c'est que est-ce que les gens connaissent vraiment. Il y a des questions sur toutes les institutions de l'Europe, il y en a tellement. Donc. Bon, mais qui font ressortir un peu le même genre de choses. Hein, et il y avait dans le graphique précédent, il y avait voter pour un président ou quelque chose comme ça. Ça veut dire élection d'un président, ça veut dire quoi concrètement? Un président de l'Europe au suffrage universel, je crois. Peut-être que j'aurais mettre toutes les modalités entières. C'est pas ce qu'on a. Donc, oui, mais c'est pas quelque chose qui est choisi. Si, c'est choisi assez souvent dans certains pays. C'est quelque chose qui est choisi parmi les modalités qui renforcerait. Et qui, en fait, est une modalité qui est vachement. Qui est assez courante, notamment en France, peut-être un peu du. Mais parce qu'en France, on a le système présidentiel. Mais assez souvent en Allemagne aussi. Juste pour un peu vite. Donc c'est une démarche assez descriptive, mais bon, je voulais juste vous présenter juste quelques résultats rapides sur une autre partie de mon travail. J'essayais de mieux étudier les relations entre ces différents types de questions. Notamment, est-ce que les représentations donc de l'action de l'UE dans les domaines, je vais dire un mot, je pense. Hein. En gros, les représentations de l'action de l'Union européenne dans les domaines économiques et sociaux prédisent mieux le soutien que les mesures sur l'identité. Et c'est notamment les données en 2004 qui me permettent de faire ça parce qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées conjointement. Alors notamment celle justement dont je parlais tout à l'heure, êtes-vous pour ou contre l'évolution vers l'union politique européenne et une question, on demandait aux individus s'ils étaient en accord avec les prises de décision communes. Alors là j'ai mis le gouvernement français, mais c'est le gouvernement de votre pays. Donc pour qu'il y ait des décisions communes entre le gouvernement national et le gouvernement européen sur la santé et la sécurité sociale. Et donc, je vais essayer de comparer les effets de trois variables, c'est-à-dire les corrélations, parce qu'on ne va pas l'interpréter de manière trop causale. Ce n'est pas évident de savoir si c'est une question de représentation politique, est-ce que l'une cause l'autre ou elles vont toujours ensemble. Mais notamment, je voulais voir le lien entre le fait de répondre, se sentir exclusivement de son pays, donc à la question dont je parlais tout à l'heure, la question Moreno, au moment des individus, est-ce qu'ils se sentent uniquement français, est-ce qu'ils se sentent français-européen, européen-français ou européen seulement. Et justement, les réponses aux autres questions précédentes sur l'Union européenne reprendre la prospérité économique et reprendre la protection sociale. Et alors, je ne vais pas non plus faire tout juste pour comparer les effets individuels et macro. Donc ça, c'est des coefficients qui sont issus de modèles de régression, en gros, qui visent juste à... qui sont estimés dans tous les pays de l'Union européenne. Voire même au-delà, parce qu'il y a aussi la Turquie dans l'Eurobaromètre, en 2015 en tout cas. Et j'essaie d'évaluer l'effet de la variable identité nationale exclusive sur le fait de se dire en faveur de l'intégration européenne, et l'effet de la variable UE représente la prospérité économique en contrôlant selon d'autres variables, notamment le niveau de diplôme, l'âge, le sexe. Alors j'ai pris la valeur absolue pour comparer pour l'effet de la variable identité nationale exclusive, parce qu'il est toujours négatif sur le fait de se dire en faveur de l'intégration européenne. Pour discuter après de savoir le type de modèle, là j'ai pris des modèles juste linéaires parce que bon, il y avait pas les mêmes résultats sur le A, mais que ce soit linéaire ou d'autres types de modèles, en tout cas en général, mais parce que c'est plus facilement interprétable, hein, comme ça l'échelle ça correspond en fait à un effet moyen sur la probabilité, hein, donc si on prend l'Estonie, là, on est environ 0,2, donc ça veut dire le fait de dire être uniquement sa nationalité a un effet de 0,2 points sur la probabilité de se dire en faveur de l'intégration européenne. Bon, donc on a des effets qui sont à chaque fois à peu près de même amplitude, enfin qui varient un peu, mais souvent l'effet de la variable UE reprend de la prospérité économique est supérieur, pas toujours. Et bon, ce qui montre que la corrélation est un peu plus forte au niveau individuel, mais alors, c'est ça qui va m'intéresser. Donc ça, c'est, voilà, est-ce qu'il y a une corrélation finalement, bon, ce qui est assez logique, hein, entre le fait de se dire en faveur de l'intégration européenne et le fait de se dire uniquement de son pays ou uniquement de dire que l'Union européenne reprend de la prospérité économique. Donc ça, c'est une corrélation individuelle. Et alors là, techniquement, les points, c'est des effets du pays. Donc là, j'ai refait en fait la régression, mais en mettant les pays comme variable. Alors là, c'est les effets des pays, pour ceux qui connaissent, hein, c'est des points, ça correspond au coefficient de régression associé au pays. En gros, pour faire simple, ça veut dire qu'en abscisse, on a, j'aurais eu le même résultat à peu près si je mettais en abscisse la proportion des individus dans le pays qui disent qu'ils sont uniquement que leur identité, d'ailleurs, c'est la mesure d'identité nationale exclusive, donc la proportion des individus qui disent qu'ils sont uniquement de leur pays, en abscisse, et en ordonnée, la proportion des individus qui disent en faveur de l'intégration européenne. Pour comparer si finalement, le fait qu'il y ait une corrélation au niveau individuel entre ces deux variables, c'est-à-dire les individus qui se disent uniquement de leur pays sont moins en faveur de l'Europe, est-ce que ça a un effet au niveau global, étant donné qu'il y a toujours beaucoup d'autres variables qui jouent au niveau global pour prédire le niveau de soutien à l'intérieur du pays. Bon, est-ce qu'on observe, alors, dans les pays, j'ai mis la France, le fait que ce soit une régression, ça veut dire que la France, il y a un pays qui est en modalité de référence, donc c'est la France. Ça permet de noter juste une chose. Donc d'abord qu'il n'y a aucune relation, c'est-à-dire que le niveau de la proportion d'individus dans un pays qui se disent uniquement de leur pays n'est pas du tout corrélé avec la proportion d'individus qui se disent en faveur de l'intégration européenne. Pourquoi ? Notamment parce que donc en 2004, là, en gros, si on regarde en haut à droite, on a beaucoup de pays de l'Est, plus que les pays de l'Est, donc à l'époque. Même ceux qui ne sont pas membres, il faudrait être question de savoir si c'est comparable ou pas, mais je trouvais intéressant en tout cas de les mettre au moins pour voir ce que ça donne. Il y a tous les pays de l'Est, hein, donc ils se disent plus que la France, en gros, uniquement de leur pays, donc ils répondent plus bulgare seulement, hongrois seulement, et en même temps ils se disent plus en faveur de l'intégration européenne, en proportion en tout cas. Au contraire, hein, dans les pays, on a tout en bas là, le Danemark, la Grande-Bretagne, la Finlande, la Suède, donc les pays nordiques qui sont assez proches. Hein, donc qui répondent moins que la France ou que les pays fondateurs qui sont proches de la France en fait en général, hein, qui répondent moins que la France qui sont en faveur de l'intégration européenne, mais qui répondent plus qui sont uniquement de leur pays. Donc on a une structure un peu complexe comme ça qui est pas qui montre pas du tout une corrélation. Pareil, si on prend donc l'autre question que j'avais étudiée, donc cette fois c'était pareil, hein, ça correspond un peu au fait de mettre en abscisse la proportion des gens qui se disent uniquement de leur pays. Et en ordonnée, la proportion de gens qui disent qu'ils sont en faveur de prise de décision conjointe dans l'Union européenne, enfin entre leur pays et l'Union européenne, sur les questions relatives à la santé et à la protection sociale. Donc là encore, on n'a pas de corrélation parce qu'on a un peu le même effet, c'est-à-dire les pays de l'Est qui se disent plus de leur pays et en même temps qui sont plus en faveur de prise de décision conjointe, et au contraire, les pays Finlande, Suède, hein, qui sont contre les prises de décision conjointes, en tout cas moins souvent pour que la France, et qui sont par contre, qui répondent aussi un peu plus en accord avec cette idée, c'est-à-dire plus ils répondent aussi, ils sont plus souvent uniquement de leur pays. Bon, et alors si on fait la même chose avec cette fois en mettant en abscisse, donc pour essayer de prédire le niveau de soutien à l'intégration européenne dans le pays, si on met le fait de répondre l'Union européenne représente la prospérité économique. Là, on observe justement le fait que plus les individus répondent dans le pays que l'Union européenne représente la prospérité économique, plus les individus, enfin plus il y a la proportion de réponses en faveur de l'intégration européenne dans le pays est importante. Hein, et bon, voilà, on a les cas justement là. Et là encore, ça s'explique un peu par les différences régionales. Hein, on a la Roumanie, Chypre, Malte, la Bulgarie, la Lituanie, donc tous les pays plutôt de l'Est, voire du Sud, comme la Grèce, qui sont finalement plus en faveur de l'intégration européenne et qui répondent plus souvent que l'Union européenne représente la prospérité économique. Et si on prend par exemple là, le fait de répondre, donc, toujours pareil, hein, prise de décision conjointe sur les questions de santé et sécurité sociale, là encore l'effet de la proportion d'individus qui répondent que l'Union européenne reprend de la prospérité économique dans le pays est liée à la proportion d'individus qui se disent en faveur de décisions conjointes. Donc juste une parenthèse, hein, si, là je parle de proportion parce que c'est une manière de simplifier. Si j'ai utilisé des effets de la nationalité, c'est une manière de faire cette comparaison en tenant compte du fait que dans les différents pays, il y a des niveaux de diplômes différents, des âges différents. Hein, donc, c'est pour ça en fait, que j'ai fait d'avoir des modèles de régression dans lesquels j'estime l'effet de la nationalité en contrôlant les différents variables socio-économiques. Et après, je reporte ces effets de la nationalité sur les graphiques. Et bon, en gros, si je faisais juste en abscisse et en ordonnée, la proportion d'individus qui répondent aux protections sociales et qui répondent aux autres, j'obtiendrai à peu près le même résultat. Alors, question simple. Pourquoi tu as choisi cette stratégie d'avoir d'une part un modèle estimé sur les données individuelles et d'autre part un modèle estimé sur les pays? Ils sont estimés sur les individuels, mais en fait, sur les individus. Mais par contre, comme je prends l'effet de la nationalité, ça revient en fait à comparer les pays où on pourrait agir. Pourquoi tu ne pourrais pas utiliser un modèle de niveau où tu mets ensemble si la nationalité avec les variables individuelles? Oui, mais c'est ce que j'ai fait en fait. Ça, c'est l'effet du pays dans le modèle. En fait, ce que tu visualises, c'est l'effet du pays, mais tu as en fait, ce qui génère oui, ça, c'est le modèle de variable. Oui. Mais c'est un modèle individuel, c'est pas un modèle. C'est pas un modèle sur variable agrégée, c'est un modèle sur individu. Et par contre, j'ai pris les coefficients de régression associés aux différents pays. Donc, c'est de rien, c'est ton modèle multiniveau. Oui, parce que là, j'ai fait un modèle de régression linéaire simple, mais ça revient à un modèle multiniveau. Les résultats sont aussi les mêmes. Parce qu'un modèle multiniveau, normalement, ça impliquerait aussi que. Parce que c'est. Un modèle multiniveau, ça veut dire qu'on tire normalement aléatoirement le niveau supérieur dans une population. Parce que ça implique d'avoir un coefficient aléatoire. Enfin bon. Comment tu le spécifies? Oui. Mais bon, en gros, de toute façon, j'ai essayé, ça ne tourne pas quelque chose de très différent. Mais en tout cas, oui, c'est plutôt l'idée d'un modèle multiniveau dans lequel j'ai pris l'effet du pays. Voilà, donc au niveau agrégé, hein, donc les représentations de l'action de l'UE dans les domaines socio-économiques sont corrélées au soutien à l'intégration européenne. Au niveau individuel, on observe aussi cette corrélation entre l'identité nationale exclusive, le fait de répondre « je suis uniquement français », par exemple, et le soutien à l'intégration européenne. Mais au niveau agrégé, cette corrélation disparaît. Donc, moi, vous avez l'impression que finalement, elle est plus secondaire pour comprendre ce qui se passe dans un pays et qui fait que la majorité des individus sont pour ou contre l'intégration européenne. Conclusion, hein, mais l'idée que je reviens peut-être un peu sur l'ensemble, mais c'est d'essayer de montrer que la démocratie supranationale est bien acceptable, acceptée en tout cas, et que relativement aux problèmes socio-économiques, la perte de l'identité paraît une question plus secondaire, et les représentations d'action économique et sociale de l'UE est plus à même de prédire le soutien à l'intégration européenne. Merci Cyril. C'est plutôt un résultat optimiste. C'est bien. Olivier a dû partir plus tôt parce qu'il y avait des engagements. Donc, il m'a demandé en partie de faire son vidéo. Alors, des questions, des remarques pour Cyril. Moi, je reformulerai ma question sur la méthodo parce que je pense que quelque part, sur les clauses d'équivalence, effectivement, c'est avant. Oui. Ouais. Est-ce que sur la création d'indicateurs, tu avais dit que c'était. À la fois fait par des chercheurs et aussi par, j'imagine, des officiels de l'Union européenne. Donc ma question porte sur qui fait cette enquête et est-ce que tu ne penses pas que... j'imagine qu'elle a été publiée pour ça, je vais voir si c'était la raison. J'ai l'impression, à travers les questions que tu as montrées, qu'il est difficile, vu les questions, d'exprimer avec cette enquête une opinion euro-critique ou euro-sceptique ou anti-européenne même, puisque par exemple... les réponses négatives sont pas suggérées, donc ça veut dire que quelqu'un doit prendre l'initiative de les dire, donc en fait ils peuvent s'exprimer que les gens les plus radicalement plus aveugles, j'ai dit. Et je me suis dit ça également par rapport au choix de ton titre, de parler de démocratie européenne, ça présuppose que l'Union européenne est actuellement une démocratie, et les eurosceptiques critiquent cette position en disant que c'est plutôt une technocratie. Et je trouve que d'ailleurs, dans l'eurobaromètre, par exemple, la critique technocratique, elle apparaît rarement, alors que c'est une des critiques les plus récurrentes. Alors, juste alors sur l'enquête, hein, donc elle est faite par le département de la direction et la communication. Donc il y a des chercheurs, notamment il y a Ronald Ingelhardt, qui est un peu spécialiste à l'époque des grandes enquêtes internationales, donc, qui a participé au développement. Mais ça a été effectivement conçu comme une sorte de compromis, hein, parce que c'est ce qui fait qu'il y a un financement qui permet, en fait, c'est vraiment énorme, hein, c'est donc, entre 2 et 5 enquêtes par an, sur des thèmes différents à chaque fois, donc c'est vraiment des bases de données gigantesques. C'est pour ça aussi que parfois les critiques les trouvent souvent un peu absurdes, parce qu'il y a une centaine de questions à chaque fois dans le questionnaire. Donc, finalement, on peut toujours trouver des questions qu'on n'aime pas, quoi, et d'autres qu'on aime bien. Donc là, moi, c'est celle que j'ai choisie. Après, si tu veux, y a quand même des questions qui permettent d'exprimer négativement. Elles sont suggérées, les questions quant à... Au Royaume-Uni, les gens répondent que c'est une mauvaise chose, c'est pas on leur là ils ne doivent pas le répondre eux-mêmes, on leur suggère les trois modalités de réponse. Tout à l'heure aussi, on leur suggère très pour, plutôt contre. Donc c'est dans les dernières questions où effectivement on leur suggère pas, alors il y a peut-être des mauvaises raisons, hein, de répondre qu'il n'y a pas de citoyenneté ou qu'il n'y a pas d'identité européenne. Mais il y a plein de questions qui leur permettent de faire ça. Là, je n'avais pas mis effectivement la question de la bureaucratie parce que finalement, c'est pas celle qui ressort le plus. C'est un thème très médiatique, mais très bien. Mais là, on peut répondre à la bureaucratie, un gaspillage d'argent, la perte de notre identité culturelle, plus de criminalité, pas assez de contrôle aux frontières. Donc, il y a des possibilités. Après, il y a peut-être un biais effectivement dans le fait de répondre à ces questionnaires, par exemple, ça peut pousser à un biais quand même des gens qui sont plus en faveur de l'intégration européenne. Mais en fait, ça peut aussi pousser les gens qui sont contre à vouloir s'exprimer. Toujours compliqué de contrôler ce genre de choses. Et pour rester sur cette question des biais possibles liés aux matériaux, est-ce que tu as regardé par curiosité les rapports de synthèse qui étaient associés à l'exploitation de ces eurobaromètres? Parce qu'en fait, moi j'ai regardé ça pour les eurobaromètres qui concernent les sciences et techniques. C'est vrai qu'on a les données et puis on voit le petit rapport qui est associé, qui est à la fois un mélange assez informatif et en même temps qui donne une grille de lecture en gros. Et moi, c'est vrai que sur des attitudes qui sont à la limite, en gros, on ne sait pas si c'est vraiment positif ou négatif, on sent que le rapport, lui, il sait clairement où il faut interpréter. Donc, est-ce que tu as fait ce travail d'analyse comparé pour voir un petit peu comment ces données, finalement, que tu retraites, avaient été interprétées sur le moment? Pas beaucoup, je les ai utilisées un peu parfois, mais généralement, ils ne m'intéressaient pas beaucoup, je trouvais, dans leurs interprétations. Ouais. Et je trouve que c'est un autre sujet, c'est-à-dire, effectivement, de savoir après comment c'est utilisé, comment ça a été... Ça dit quelque chose de l'intentionnalité qui était derrière les données, en fait, la production des données. Ce que tu décrivais sur le pourquoi ces données ont été produites, d'une certaine façon, on peut aussi saisir à travers l'interprétation qui en est donnée dans ces rapports. Mais c'est toujours un débat sur les données, parce que parfois on critique effectivement l'intentionnalité derrière les données, mais en quoi ça change les résultats. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une intentionnalité particulière derrière les données, mais bon, après, si on ne démontre pas comment elles devraient agir, je ne vois pas très bien pourquoi en fait, ça changerait mes résultats. Mm-hmm. C'est-à-dire que oui, ils peuvent l'avoir fait pour des bonnes raisons, j'en sais rien. Enfin, en même temps, c'est pas à moi que je peux dire. Et puis, pour le coup, c'est un processus politique complexe, donc l'intentionnalité derrière, ce serait en fait des tas de débats qui dépendent des questions, ou quelle direction on veut imposer sa question. Je sais pas, bien sûr, il ne s'agit pas de mener une enquête pour restituer la logique qui produit ces données, mais c'est juste voir s'il y a un effet de divergence ou s'il y avait une ambiguïté sur les modes d'interprétation. Mais tu n'as pas fait un relevé systématique de tous les rapports qui avaient été produits pendant 40 ans sur ces données. Il y a effectivement la réutilisation de ces données, justement, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui critiquent ça aussi, parce que justement, par exemple, au lendemain des référendums perdus en France et en Europe, justement, la Commission européenne avait saisi ces données pour dire, mais vous voyez, les Européens jugent quand même positivement l'intégration européenne, le référendum ne remet pas en cause le mouvement européen. Donc, comme je pense, pour toute forme de données, il y a des utilisations différentes, des intentionnalités différentes, à la fois derrière leur production et derrière leurs utilisations. Au niveau national, est-ce qu'on fait confiance, par exemple, à des données qui proviendraient d'une direction à la communication produite par le gouvernement? On tient à une certaine autonomie des institutions. Est-ce que tu fais confiance aux données de l'INSEE? Oui, par habitude. L'INSEE aussi, elle est rattachée au ministère de l'économie. Ils vantent leur indépendance, mais d'ailleurs, ils ont eu des problèmes parfois. Mais encore une fois, faire confiance, ça veut dire quoi? Dans ce cas, ça veut dire que je devrais les accuser d'avoir trafiqué des données, par exemple. Il y a les méthodologies, donc si tu... soit il y a un biais et tu peux l'évaluer, soit tu dis, bon, peut-être qu'ils ont trafiqué les données, mais dans ce cas, c'est encore autre chose. Mais après, Enfin, là, j'entends bien effectivement la critique, mais je pense que le genre de critique en général ne me paraît pas très valable. C'est-à-dire que finalement, il faut juger sur les résultats, etc. Mais refuser a priori des résultats en disant qu'ils n'ont pas été produits par les bonnes personnes, ça me paraît un argument assez arbitraire en général. Sauf si on sait que les personnes vont soit manipuler leurs données, soit pas les manipuler de manière consciente, mais un peu inconsciente, ce qui arrive aussi. C'est vrai que parmi les questions que tu as présentées, celle sur laquelle on est revenu où il n'y avait pas de modalité de réponse, de ne pas se sentir européen, enfin, je trouve ça vraiment problématique par rapport à la mesure de ce phénomène. Même si on voit quand même apparaître quelque chose, le cas particulier du Royaume-Uni, mais là, je trouve qu'il y a un bien important. J'imagine que tu as d'autres questions où tu pourrais construire un indice d'appartenance, sentiment d'appartenance, intensité d'appartenance, que tu pourrais utiliser comme barre de contrôle dans tes modèles, même s'il n'y a pas la question précise, directe. Bah, surtout sur là, parce que de contrôler. C'est aussi peut-être que. Oui, enfin, de toute façon, il y a toujours moyen de contrôler sur ça. Il y a plein de questions sur effectivement, alors, soit justement sous la forme de la question de Moreno, c'est-à-dire que les individus peuvent choisir entre leur appartenance nationale et leur appartenance européenne. C'est souvent tout ça aussi qui est souvent très critiqué. Mais bon, il y a aussi une question où les individus ne doivent pas choisir. Ou effectivement, et on peut voir justement essayer d'estimer en gros, si on regarde utiliser justement ces données, où en gros les gens effectivement répondent en général qu'ils se sentent européens. Simplement, si on compare par exemple avec le se sentir du pays, généralement les gens pour se sentir du pays répondent toujours à une modalité extrême, c'est-à-dire ils se sentent très fiers de leur pays par exemple, et pour l'Europe ils se sentent assez fiers. La question sur le fait de. La question de Moreno, justement, en gros, on a la moitié des gens qui disent qu'ils se sentent uniquement de leur pays. La moitié, à chaque fois un peu moins de la moitié, des gens qui se disent français d'abord ou européen, de leur pays d'abord européen, et ce qui reste, en gros, européen seulement, ou européen, et ensuite de leur pays. Ça doit faire, je sais pas, 10%, 10-15%. Après, c'est assez proche dans quasiment tous les pays. Il y a un peu plus de gens qui se disent européens, généralement dans les pays du Luxembourg, en Belgique. Ce qui nous surprend au fond dans ces données-là, c'est que les gens semblent beaucoup plus favorables à l'Europe qu'on nous fait croire dans les médias, quoi, en gros, non? Ça dépend des milieux sociaux. Ça dépend des milieux sociaux, quand même. Oui, mais je veux dire, quand on nous présente dans les médias, souvent les données sont détaillées en fonction du milieu social. Oui. On voit là que dans les classes, on va dire, dans les bien diplômés, ayant une meilleure connaissance, on va dire, du fonctionnement des institutions, on a, quel que soit le positionnement idéologique des gens, parce que ça, on ne l'a pas, là, on n'a pas le scepticisme, là. Et ça, on le voit aussi même médiatiquement, parce que finalement, tous les grands partis sont pour l'Europe. Enfin, c'est assez intéressant, finalement, pourquoi, effectivement, il y a peu de partis, de grands partis, qui disent vouloir sortir de l'Union européenne. Et tu as fait une analyse en fonction du positionnement politique, par exemple? Ouais, je n'ai pas fait l'analyse précise, mais je l'ai... il y en a pas mal, mais ça peut se voir assez souvent en général. Le positionnement politique, revient à ça en fait. C'est les personnes les plus extrêmes en général qui se disent moins en Europe et les personnes qui répondent plus gauche, au milieu ou droite, autour du centre, qui sont plus en faveur de l'intégration européenne. On retrouve un peu ce schéma qu'on connaît dans les partis. En fait. Est-ce qu'il y a des questions qui permettent de contrôler ce qu'est ce que représente l'Europe pour les gens qui répondent aux questions en fait? C'est-à-dire, à un moment donné, quel est l'ensemble de matérialité qui met derrière le mot Europe? Et en fait, ça rejoint avec Saint-Michel sur les notions de classe d'équivalence entre ce que disent les gens, ce que pensent dire les gens quand ils pensent à l'Europe. Est-ce que c'est donc contrôlé en termes de. Du moins, les questions assez critiques sont sur le niveau économique, sur les niveaux des professions qui sont trop régulées à un niveau européen ou tout ça. Comment dit, qu'est-ce qui est mis en fait à chaque fois quand quelqu'un répond entre les deux? Est-ce que tu as contrôlé la réponse en fait? C'est-à-dire que c'est là où tu vois justement les réponses les plus courantes. On voit bien que. C'est intéressant d'ailleurs, je trouve, en termes de. Justement aussi d'analyse de les récits, est-ce qu'ils ont un succès ou pas. Pour l'Union européenne, c'est aussi présenté normalement, certainement, comme un grand marché économique qui doit assurer la prospérité de tous. On voit dans les différents pays que la prospérité économique, en gros, c'est une réponse donnée en gros par 10% des gens. Par contre, ce qui apparaît plus clairement, et là pour le coup tu parlais de matérialité, c'est des choses peut-être plus matérielles, comme le fait de pouvoir voyager et l'euro. Et il n'y a pas tant de variables, il y en a bien sûr dans les pays, si on regarde l'Espagne ou l'Irlande, il y a plus la prospérité économique par exemple, c'est aussi assez bien historiquement, donc on peut essayer justement de saisir ça. Et c'était aussi le but Parce que, justement, on critique la littérature quantitative sur l'Europe, souvent en disant justement ils ne font que étudier s'il y a des eurosceptiques et des europhiles, sans s'intéresser à ce que pensent vraiment les gens de ce qu'est l'Europe, ce qui se représente. Et c'était aussi, et ces questions ne sont jamais utilisées dans les articles. Donc c'est pour ça aussi que je voulais les utiliser, pour voir finalement qu'est-ce que répondent les gens. Si on prend les données sur le Royaume-Uni, on voit que ce qui est assez élevé, c'est l'euro, ils ne sont pas concernés. Oui, mais ça, on peut dire que ça a un sens différent. Oui, mais alors, du coup, on pourrait interpréter finalement, c'est que justement, l'Europe représente ce qu'ils ne sont pas. Oui, mais c'est... Donc du coup, on a quand même... Ils adhèrent à 7 euros comme une chose, comme un repoussoir. Oui, c'est ça. En fait, en fonction du tableau, il faut après mettre en relation avec... avec la situation concrète. Bah, à chaque contexte, après, effectivement, c'est pour ça que. Vous savez, parfois, je ne comprends pas très bien les critiques contre les comparaisons internationales, par exemple, parce que, bien sûr, ça a un sens différent, mais c'est partie du travail de comparer, de voir qu'effectivement, la question effectivement, sur l'euro n'a pas tout à fait le même sens au Royaume-Uni, mais d'ailleurs, pareil, sur la question sur la liberté de voyager. Enfin, mais la question sur l'euro, ça n'aura pas le même sens avant et après l'union, enfin, l'union monétaire. Enfin, c'est la même question que je te posais tout à l'heure. Parce que en fait, ce qu'on évalue, c'est en gros ce que les individus interrogés projettent sur l'Union européenne. Oui. Mais pour autant, ce qu'ils ont en face des yeux, qui pas de façon projetée, mais en gros la réalité, l'objectif qu'ils ont en face d'eux, se transforme radicalement. Et donc ce que tu évalues sur 40 ans, c'est une capacité de projection sur un objet qui se transforme devant eux. Et tu fais l'hypothèse que on peut poser comme équivalent une projection en 73 et une projection en 2013. Je ne la pose pas comme équivalent parce que justement, le fait que ça ait changé... Bah, c'est-à-dire que tu les mets sur la même ligne, c'est ça que je veux dire, toi. Alors que... c'est la même ligne parce que c'est le même nombre de personnes. Les individus ne sont pas les mêmes. D'une part, les individus ne sont pas les mêmes, mais d'autre part, la réalité sur laquelle ils se projettent n'est pas non plus la même. Non, parce que les individus qui sont échantillonnés en 1973, ils donnent une réponse par rapport au contexte qui est sous leurs yeux. Et puis tu auras des individus qui sont échantillonnés en 2002 qui donneront une réponse sur le contexte qu'ils ont, dans lequel ils sont et par rapport à l'objet qu'ils ont. Et donc en regardant les courbes, puisque tu connais le contexte, toi chercheur, ben, tu interpréteras les résultats en fonction du changement du contexte. Mais le problème n'est pas des données. C'est curieux, ça, comme idée. C'est, bah, c'est le nombre de gens qui répondent, les données, c'est tout. Genre, non, j'ai pas compris ça. Mais ce qui est étonnant, c'est de penser que le problème de l'intégration européenne, en fait, se pose de la même manière pour les gens 73. Enfin, juste pour prendre un exemple sur ça, la prospérité économique, si on prend le cas de l'Espagne, on a des réponses qui sont beaucoup plus, ou de l'Irlande, qui sont beaucoup plus courantes. Les gens répondent beaucoup plus en 2003 que l'Union européenne reprend de la prospérité économique. Mais notamment en Irlande, évidemment, ça chute à partir de 2009, parce que voilà, il y a les conséquences de la crise financière. Et d'ailleurs, ça rejoint les autres pays. Alors après, voilà, c'est effectivement, ils se refèrent, quand ils vont répondre à la prospérité économique, ils ne se refèrent plus à la même chose. Parce qu'en 2003, ils se réfèrent à l'idée que, quand même, aussi bien en Espagne qu'en Irlande, l'intégration européenne a été associée à une forme de réussite économique et de développement économique. Et ce contexte va changer à partir de 2009, et ça on va l'observer dans les données, puisque effectivement les gens vont moins répondre. Quand bien même ils répondraient pareil, effectivement on pourrait dire c'est pas pareil. C'est que même s'ils répondent pareil, c'est vrai que ça ne va pas forcément dire la même chose. C'est-à-dire, si le taux est le même, peut-être qu'on pourrait aussi l'interpréter différemment en fonction du contexte, mais là encore c'est toujours qu'un élément contextuel, presque une variable explicative. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas raisonner par segment, c'est-à-dire qu'on... On sait qu'il y a des grands moments de modification. Mais il peut le faire sur ces grands pics. Oui, on pourrait le faire, mais on pourrait considérer que, qu'à un moment donné, on a une il y a une structure particulière de segmentation ou de cohésion sur laquelle on accepte de dire qu'il y a une certaine stabilité, puis on passe sur un autre changement. Et dans ce cas-là, au lieu de donner cette linéarité, restituer quelque chose de la possibilité que les sentiments de projection vont être impactés d'une façon ou d'une autre par cette modification du référent. C'était en quelle année la grande augmentation à 27 là? C'était en 2005. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui, on ne le voit pas, c'est à partir de 2005 s'il y a quelque chose qui... Est-ce qu'à partir de 2005, on voit... C'est-à-dire qu'on est dans la période où les opinions négatives augmentent, mais après, est-ce que c'est... Parce que le problème, c'est qu'il y a aussi y a plein d'autres choses, donc est-ce que c'est ça ou autre chose? Si on prend le cas de l'Italie... On voit par exemple une démission à partir de 2005, mais est-ce que c'est... Après, voilà, c'est... On pourrait... En fait, ça consiste simplement à introduire une autre variable en plus. Par exemple, j'aurais pu mettre des couleurs différentes pour les périodes d'intégration. Et d'une certaine manière, ça fait partie aussi, par exemple, de certaines interprétations. De dire qu'en 90, à partir des 90, les gens sont un peu moins en faveur parce que l'Union européenne a changé et que justement elle a un poids politique plus important. Mmh. Alors, notamment après avec le traité de Maastricht où l'intégration devient plus forte. Et là, justement, peut-être qu'effectivement, c'est différent d'être contre l'Union européenne après 90 et avant. Ouais, mais c'est une question tout à fait intéressée parce que je me pose la même question pour les eurobaromètres. Est-ce que ça a un sens de prendre des durées très longues? On n'est pas sur des séries, c'est pas comme Jean-François Mignot qui fait des durées sur des séries sur 200 ans. Là, tu es sur 40 ans, donc c'est, mais malgré tout, ça pose quand même quelque chose sur le fait qu'on postule une équivalence sur des questions et des données qui sont quand même sur des durées assez longues. Oui, mais qu'est-ce que ce serait des données qui soient vraiment comparables? Enfin, c'est ça qui est assez marrant finalement dans ces débats. Bah moi, dans mon cas de figure, c'est on imagine que les gens se positionnent sur le même objet quelque part. C'est-à-dire sur en termes mais de science, c'est impossible. Non, mais sur une structure politique ou une organisation, tu vois, qui ne soit pas reconfigurée radicalement. Elle va changer. Enfin, en fait, ce genre de conséquence, ça revient à récuser toute comparaison historique parce que. Bah, les structures politiques, le monde politique français des années 80. Non, je ne dis pas, que, je dis pas qu'on, mais je veux dire qu'il faut pouvoir rentrer quelque part dans l'analyse le fait que le référent se transforme quelque part. Je ne dis pas qu'on ne peut pas comparer, oui, je dis qu'il faut oui. l'intégrer quelque part dans l'analyse. Ouais, c'est ce que oui. disait Gianluca, tu prends en compte le contexte. Et tu reviens sur des graphes qui sont en fonction du contexte. Oui, tu peux venir sur des graphes qui sont en général sur le pays. Qui comparent les pays. On le voit, je trouve. Oui, à partir de 90, là, on voit bien. Oui, voilà. Et donc, tu vois en plus les effets particuliers par pays. Donc, on voit à la fois, en fonction des pays, d'abord une confiance en l'Europe qui correspond à une certaine phase de l'Union européenne. Il ne l'a pas reporté, mais quand il va analyser ces différences, il va se poser des questions en fonction de ce qui était l'Europe au moment où les gens... Sauf que là, on ne le voit pas dans l'analyse, parce que ce qu'on voit dans l'analyse, c'est ce que tu as mis en évidence, c'est la variable nationale. Ouais. Alors que la dimension institutionnelle disparaît complètement. Non, c'est vrai que j'aurais pu effectivement plus en parler, des différences institutionnelles. Mm. Mais je ne suis pas sûr qu'elles soient si fondamentales que ça, parce que je ne suis pas certain que les gens perçoivent beaucoup la différence. Ça, j'en sais rien, hein, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est... Je pense que c'est difficile de l'écarter a priori. Quoi. Dans ce cas, j'aurais pu prendre en plus plein de choses. Est-ce que je prends la date d'entrée des différents pays? Est-ce que le changement de commission économique européenne, de l'Union européenne? Est-ce que c'est le traité de Maastricht? Je sais pas, ça correspond à des choses différentes. Ouais. Est-ce qu'on peut 2007, faire rendre la Bulgarie et la Roumanie? Est-ce que c'est encore une Europe différente? Mais est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que tout ça n'a aucune importance? C'est ça la question. Mais la question, c'est pas que ça n'a aucune importance, c'est de savoir où ça se situe. Est-ce que ça se situe dans l'analyse et en commentaire des données? Ou ça se situe dans la présentation des données? C'est un peu ça. Une chose que tu pourrais faire dans le cadre d'une analyse multivariée serait par exemple d'avoir des variables indicatrices qui concernent par exemple le nombre de pays et avoir des indicateurs à chaque changement de taille de l'institution, voir si cette variable a un effet en elle-même ou bien si elle interagit et où si elle interagit avec certaines caractéristiques, par exemple l'âge, des réponses. Alors, ce type de... Sur 1000 individus par pays, je ne vois pas très bien comment tu pourrais rajouter toutes ces Oui, puis bon, il y a des centaines de papiers sur ça, sur l'effet du nombre de pays, de tel ou tel traité, la situation économique du pays, de l'inflation, du taux de chômage. Tout monte en haut souvent, comme ça dépend du pays, ça dépend des moments. Il y a souvent un effet diplôme qui est vraiment celui qui est le plus constant, et éventuellement les différences entre les pays. D'accord. Qui sont là assez constantes. Alors, d'autres questions? Par rapport à la thèse de la polarisation sociale, du coup, de Van Fichtein, tu n'as pas eu de réponse catégorique en disant qu'en gros, c'est nuancé selon les pays, etc., qu'il y avait des pays où on pouvait observer une polarisation plus forte que dans d'autres. Alors, je crois que je me souviens que ton plan, c'était relativement important. Est-ce que tu pourrais revenir un peu là-dessus? Oui, ça, moi, je dirais qu'il y a une polarisation au sens... Parce que Fichtein, ça donne l'impression qu'il va avoir... déjà qu'il y aura une polarisation pratiquement de fait et qu'il va avoir justement une polarisation, c'est-à-dire un accroissement des différences. Là, c'est pas tant je trouve qu'il y a un accroissement des différences, c'est plutôt le fait que... comme on part de... Enfin, parce que chez les plus diplômés, on voit que ça diminue aussi un peu. On est quand même quasiment à 90%. À la fin, en 90, on n'est plus qu'à 60%. Donc, simplement, le mouvement est tellement moins fort qu'effectivement, je pense qu'on arrive dans aussi ce que j'appellerais un euroclash, mais dans un sens légèrement différent, qui est de dire voilà une situation dans laquelle la majorité des plus diplômés restent en faveur de l'intégration européenne, continuent à juger ça positivement, et alors pas la majorité des moins diplômés sont contre, mais pour le coup au moins ambivalent, en tout cas la majorité absolue est perdue largement. Donc on est quand même dans une situation de clivage social qui est à mon avis importante, et d'un point de vue politique qui est quand même assez inquiétante. D'accord, et quelles interprétations tu pourrais fournir? Bah justement, je pense que... alors après, il y a justement toute une littérature sur les déterminants de soutien, et je pense que les questions, pour le coup, de détermination un peu économique, c'est-à-dire le fait de percevoir l'action de l'Union européenne comme négative, est quand même beaucoup plus forte chez les moins diplômés, et notamment parce qu'elle peut les impacter beaucoup plus, parce que les plus diplômés, alors c'est pas la meilleure interprétation, mais ont quand même... à la fois déjà sont beaucoup moins au chômage, beaucoup moins de probabilité d'être au chômage, et s'insèrent mieux dans un marché européen. Je pense que l'action, une forme d'objectivité derrière ça, qui est que l'action économique de l'Union européenne bénéficie moins au moins diplômés. Alors justement sur cette barrière du diplôme, est-ce qu'il n'y a pas un risque à avoir le diplôme un indicateur de la connaissance des institutions, ce que tu disais là tout à l'heure, c'est les diplômés connaissent mieux les institutions, donc du coup ils sont plus favorables. Alors qu'en fait, au niveau de diplôme, notamment, explique pas mal la situation sur le marché du travail et l'exposition au risque de chômage. Bah, c'est un débat, justement, les premiers articles sur ça de Ronald Inglehart. Il appelait ça la mobilisation cognitive, qui était un peu de dire. Mais le problème de cette interprétation, c'est que ça consiste un peu à dire, en gros, les plus diplômés arrivent mieux, en gros, comprennent mieux l'Union européenne, arrivent mieux à se distancier de leur État-nation et du coup sont plus en faveur de l'intégration européenne. Et derrière ça, des auteurs plus utilitaristes sont arrivés en disant bah non, c'est juste qu'ils ont diplômés ont plus d'intérêt. Et c'est difficile de comparer vraiment la force relative des différentes thèses. Enfin, puis ça n'explique pas pourquoi ça baisse chez eux aussi. Oui. Selon moi, la chose fondamentale, c'est ça, c'est qu'en fait, les tendances sont les mêmes. Oui. Pour les trois groupes. Donc, si par polarisation, on entend grosse dynamique de radicalisation, de séparation entre deux groupes, ces données ne montrent pas. Oui. Hein, ces données montrent qu'il y a un écart, raisonnablement, il est assez stable au fil du temps. Donc, ce qu'il faut expliquer, et ça s'explique facilement pourquoi chez les moins diplômés, qui sont plus exposés à la situation de difficulté économique, ça augmente, ça explique moins bien. Enfin, ce qui est plus difficile à expliquer, c'est pourquoi les hauts diplômés, ça baisse aussi. Je pense que certains échecs de l'Union européenne, notamment dans ces pays-là, sur le chômage de masse, aussi peuvent expliquer le fait que même les plus diplômés, finalement plus favorables au départ, sont amenés à juger plus négativement l'intégration européenne. Et sur les données justement internationales, parce que au départ tu avais une comparaison France, Allemagne, Angleterre, Italie, c'est ça? Et tu disais l'Italie toujours au top sur l'identification au projet européen. Il y a une littérature qui existe sur ce tropisme européen de l'Italie Qui est lisé en détail, pardon, après oui, il y a pas beaucoup sur l'Italie finalement. Il y a un ouvrage très classique de Diaz Medrano qui compare l'Espagne, la France et l'Allemagne. Ouais. Mais j'avais pas une référence en tête vraiment d'auteur qui aurait vraiment analysé ça précisément. Il y a des constats à chaque fois des différences, effectivement, notamment les pays du Sud aussi, en général, parce que l'Espagne aussi, alors pas autant que l'Italie, mais est assez favorable. Après, c'est toujours oui, parce que finalement, si j'avais mis Luxembourg aussi, par exemple, la Belgique aussi sont souvent, en tout cas, au moins au début, plus favorables à l'intégration européenne. Mais il n'y a pas de démarche globale, de tentative d'explication sur cette différence d'adhésion, de même que pour y avoir des... Bah, c'est aussi la limite parfois de la comparaison internationale, c'est le fait de pouvoir comparer avec ça beaucoup de pays et à la fois forcément une vision un peu simpliste de la logique interne de chaque pays. Après, c'est finalement... au début, j'ai essayé plus d'avoir une démarche plus globale, je pense que c'est là où c'est plutôt dernièrement, je me suis centré uniquement sur 4 pays parce que dans ma thèse, j'avais des choses trop à géométrie variable, enfin, en essayant à chaque fois de comparer les pays qui m'intéressaient le plus. Selon la question. Et là, j'essaie plus justement de me concentrer sur 4 pays, donc je vais essayer plutôt d'étudier plus précisément. Là, j'ai pas en tête, c'est possible qu'il y en ait d'autres, parce qu'il y a tellement de choses sur le sujet. On a épuisé le stock des questions. Bon, bah dans ce cas, merci beaucoup Cyril. Et puis, merci. Bonne soirée à tous.